le feu chez toi. Viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. De quoi? Hey Joe, le Vietnam, bon, tu t'en fous de tout ça? Comme tu de la vie, c'est le métro à 6h du soir, et chacun pour soi. Il y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Chance plein de doigts. Hein? Hey Joe, en laissant ta marché dans quoi? Dis-moi, t'as toujours les poches pleines, la voiture de l'année. Ma parole, on oublie que t'es si laid. C'est qui Joe? Pourquoi tu t'en vas mon Joe? T'es pas tout seul non, reste ici mon Joe. Tu vas voir que ce soir, je te ferai pas de cadeau Joe! Hey Joe, qu'est-ce que t'attendais? Tu croyais avoir les joyaux toujours les joyeux. Les joyeux naufragés. Non, mon Joe, c'est moi qui vais l'avoir, la Danger. Pis toi, mon Joe, on te laisse la vieille riche. Quoique les vieilles riches sont belles. Ils sont belles, vieilles riches. Je les veux toutes plissées. Parce qu'elles sont encore des bibliothèques qui ne demandent qu'à se faire aimer. Qu'est-ce que t'as contre les plis, toi? Les replis de la connaissance. Crache pas dans ta soupe. Tu vas manger le bouillon. Un jour, ma petite Jeannette, là, qui te remonte le visage à des moments consécutifs pour paraître jeune. T'osant pas que l'automne arrive. Ça va descendre. Puis la vieillesse, c'est tellement extraordinaire. C'est un relâchement de tout. Mais en même temps, ça nous ramène le cerveau. Et surtout, tout ce que nous avons appris pendant des années, des années, des années. Hein? Non, mais j'ai raison. Là, on oublie toutes les futilités. Ah, mais là, est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que j'ai un œil qui est trop rouge? Et puis mon rouge à lèvres, est-il bien appliqué? On s'en balance, madame. On vient ici pour savoir comment c'était à votre époque, au moment où vous étiez jeune. Là, souvent, on nous répond, mais je suis encore jeune. C'est vrai, dans notre tête. Dans notre tête, nous nous sommes arrêtés à un âge précis. On n'a pas vieilli. Tu demandes à quelqu'un là, de 50 ans, là, t'as quel âge? Dans ta tête. Je vais te dire la vérité. Les gens à 40 ans, ils vont te dire à quel âge ils se sont braqués pour gouverner leur vie jusqu'à la mort. Par exemple, posez-moi une question. Monsieur Tremblay, pouvez-vous... Moi, j'ai une question, monsieur Gagné. Oui. C'est vous? Oui. OK. Non, mais moi, j'ai la table qui tombe, puis la protège, mais c'est une autre histoire. Mais non, moi, j'ai pas de connaissances journalistiques. Pardon? J'ai pas de connaissances journalistiques. C'est pas grave, le journalisme, là... C'est pas dans les universités que l'on arrive à poser la bonne question... C'est au courant de la vie. On est frappé souvent sur des récifs. Pagité. Mais moi, pagité, j'ai pagité jusqu'à 350 pages. Mais après ça, là, ça a collé. Puis je me demande si c'était pas le côté érotique. Hein? Toutes les pages ont collé jusqu'à 425. 426, ben, c'est le mourure et agonisure, puis et le cousure jusqu'à le bon enfant. Mais sinon, on cherche encore. Hein? On cherche les pages, mais on veut pas trop les fripoter, comme on dit ça, les tricoter. Les pricoter. Tricoter serré. Bon. Mais on va se procurer un autre, la même édition, mais un autre, ben, le même livre, là, mais pas celui-là. En fait, pas le livre que j'ai entre les mains, mais le même livre, sauf que ce sera pas celui ici présent. Hey, on comprend-tu trop, là? Aïe, aïe, donc. Hey, moi, là, j'ai comme une... J'ai une bulle. Une grosse bulle. Une bulle métalleuse. Oh, mon Dieu, ça a du cheveu, ça. Ah! Oui, ça secoue. La guitare, là. Là, quand il m'a chanté. Oh, c'est bon, c'est excellent. C'est quoi? C'est une composition de Gershwin? Alors, à tous les métalleux, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Vous digérez votre poutine de l'année dernière? Votre bière la semaine prochaine? Enlevez le bouchon la prochaine fois. Oh, c'est ça, hein? Non, mais merci de m'avoir dit, hein? Parce que j'ai pris une bière en flûte, en fondue, en flûte, en brigitte, en fontaine. En fait, qui tombait là, d'un robinet, ça tombait d'un robinet. Puis là, ils m'ont dit, enlève le bouchon, mais c'était dans un verre. Il était où le bouchon dans le verre? Non, mais écoute, c'est une blague, ça. Non, non, non, non. Le serveur. Un barman. Le barman. Le serveur barman. Le serveur barman. Moi, tu enlèves le bouchon avant de le boire. OK. Il n'avait pas un petit rictus? Ben, il avait affecture, là. Non, non, un rictus. Ben, je sais pas, moi, je connais pas ça, les maladies solitaires. Non, non, un rictus. Mais non, mais il avait affecture. Non, pas affecture! Rictus! Rictus! Il y avait... Ah non, je sais pas si... Non, il y avait pas de prospectus. Mais quoi que les gens qui ont des prospectus, moi, je fais attention, hein. C'est des témoins de Jéhovah cachés. Ils se cachent. Ils se cachent devant, derrière leurs enfants. Ils poussent l'enfant, là, quand ça sonne ding-dong, là, ça ouvre la porte, on enfile l'enfant. On enfile dans le sens qu'on place l'enfant devant la porte pour pas qu'on ferme la porte. Puis là, on dit « Réveillez-vous! » Le petit bébé, lui, il pleure, là. « Arrête de pleurer, t'es un Géona, Gébo, là. Gimbo, là. Sinon, on va t'envoyer en Gimbo, là. Hé, c'est tabarouette. Si tu t'en vas en Gimbo, là, tu reviens plus ici, toi, là. Oh! On m'a déjà acheté 3 fois dans une tombeau, là. Mais pas en Gimbo, là. Moi, dans la tombeau, là, de chez Gaétan Bossé, au sol de l'église. En fait, il n'y a plus d'église, c'est un sous-sol. Quoique, avant de le remplir de... Non, c'est pas de solitaire. On dirait que j'ai besoin de me dire partir. Non, c'est pas de... C'est quoi? C'est du gravier? Ah non, c'est du granit. Voyons, non, on remplit quoi? C'est du ciment! Ciment! Ciment et Cyrénal Gagné. Je ne mentirai jamais, monsieur le prépuce. J'ai tout à dire et je ne me cacherai point. Et surtout, moi, j'ai toutes les connaissances. J'aimerais bien ça être ignore, là, comme la majorité des prépuciens. Mais là, n'est pas ma mamise, ma Denise, lâche-moi le prospectus, non. C'est des affaires, c'est des mangeurs de cerveau. C'est des mangeurs de cerveau. Ouais, c'est juste des cerveaux, de cervelets. Venez. Oui, monsieur. Exactement. Non, c'est pas le temps de pleurer. Quoique, une petite lampe, ça fait du bien. Ça déshydrate. Ça fait une belle peau. Manque de peau. Et manque de larmes. On sèche. Regarde mon Réginal Boisclair, là. Fait 52 ans qu'il sèche. Tu y touches pas, sinon il s'égrène. Ça n'a pas d'émotion, ce gars-là. Tu dis, t'as gagné à la loterie. Je n'ai jamais de loterie. Il y a une fille qui t'aime. Il y a jamais une fille qui m'aime. Je t'ai préparé ton plat. Quand t'as de la misère, moi, j'ai tout écouté. Pour vous dire un peu ce qui doit s'écouler de mon cortex cérébral. Non, c'est de cortex cérébral. Moi, c'est rénal. Enchanté, ça va bien, les enfants. Bon, vous dormez. Dormez en paix. Vers le chemin de... Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? C'est pas l'éphémère? Mais ils n'ont jamais enlevé l'éphémère! Quoi que c'est encore là! Dans ma bouche, j'ai un petit goût d'éphémère. Non, c'est amer. Amer, convalescence le long des petits cailloux. You understand, pitou, pitou, pitou. On arrête ça là. Le succès, c'est pas pour maintenant. Il faut quand même faire patienter notre public, notre grand tube. On va le placer dans le grand tube, on va bouchonner ça pour en mettre du ciment. On le fera pas sortir de là, cette dernière émission. Plus d'animateurs après, juste de la musique, enfin, délivrée. Avec nos artistes préférés, ceux qu'on aime. Quoique là, j'ai écrit des petits textes. Les mots s'inclinent, mon Joe. Seul, solitaire. Solitaire comme mon ami Robert Redford. J'aime tes références, mec, j'aime tes références! Merci. Non, mais dans le solitaire, le chevalier solitaire, Robert Redford. C'est pas une blague, allez voir ça, là. Mais pas là, attendez après l'émission, Tabarnanoun. Non, ça, c'est un autre réalisateur, Tabarnanoun. Grand homme, grand homme, 6 pieds 3. Amoureux du 7e art. Puis bientôt du 8. Quoique le 9 s'empare du 8. Puis il sera déplacé par le 12 dans quelques semaines. Et si vous attendez fiévreusement, il y a du mot fiévreux, premier groupe, deuxième doigt, on dit de fiévreux celui qui sue. Celui tissu. Alors, moi qui souffre d'androgose, ah oui, moi, c'est je suis de gauche, donc d'androgose. Ceux qui souffrent d'androgose, M. Thibodeau, excusez-moi de vous crier dans les torpitudes, parce qu'on dit que la lumière rouge s'allume constamment. Est-ce que ça veut dire que je suis dans les hautes? On va baisser un peu, hein? OK. Ajustez pas votre micro. Merci. Quoique, ajustez votre son. Puis votre langage, surtout. Ne pas blasphémer. Mais je blasphème rarement mon émission, hein? Quand je me casse le doigt, là, je dis diantre de petite tabarnouche. Ou pichenol de pichenol. On dirait que ça fait encore mal, hein? Pichenol de pichenol, ça fait... C'est tout un gros coup de marteau sur le doigt, là. Il fait... Pichenol de pichenol! Alors, les mots s'inclinent seuls, solitaires, à la recherche du sens et d'une certaine vérité qui appuie la force du texte, la légitimité de l'écrit et sa place irrémédiable parmi l'articulation de la création. Les indulgences afin de parvenir au ciel. Oui, Madame Thibodeau? Oui? J'ai fait des indulgences au ventre. J'aimerais avoir un rendez-vous. Ben là, je sais pas, j'ai plein d'indulgences. Des flatulences? Non, c'est des indulgences. Est-ce que c'est des flatulences ou des... Roger, ça peut... Excusez-moi. Roger! Roger! Est-ce que j'ai des flatulences ou des ingérences? C'est quoi, des indulgences? Non, j'ai des indulgences en bas du ventre. On m'a dit, tu iras pas au ciel avec ça, faut prendre un laxatif. Sinon, en haut, ça va chercher à tout verser vers le bas, puis s'il neige à volonté, tu sais, on dit souvent, c'est pas de la neige, hein, oui, c'est de la chenoute, mais de la neige blanche. Je veux pas que ça devienne de la boîte, ça descend de la boîte. Oh! C'est de la boîte, ça descend de la boîte, ça descend de la boîte. Et c'est de la boîte. Mais c'est pas de la boîte. Là, c'est sûr, avant de monter, parce qu'ils m'ont dit qu'il me restait 2 semaines à vivre. Là, on a enchaîné rapidement. Là, ben avant ça, vous faites des indulgences. J'ai dit, c'est vrai, hein, dans le bas du corps. Là, j'ai cessé de manger ma petite soupe au pois. Hein, mon chou bouilli. Il m'a fait volard. Tout qui fait. Et puis, mon bon jus de pruneau. J'aime tout ça, le pruneau. Ah! Je me couche avec, là. Le pruneau mûr, là. Pas le pruneau, le petit pruneau sec, puis un bon gros pruneau mûr, là. Puis là, je rembrasse les salouds, oui. Regarde-moi pas de même, va te manger. Là, à un moment donné, l'indulgence de mon ventre, hein. C'est quoi une grosse machine? Je dis, voyons donc, oui. Ça travaille plus que moi, ce ventre-là. Là, mon mari. Il me dit, ben oui, tu souffres d'indulgence. Ben voyons, tu trouves, toi. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je cherche à évacuer toute ma peine intérieure pour monter vers les cieux qui ne cherchent qu'à me placer. Mon mari, ça fait 25 ans qu'il veut me placer. Il dit, ouais, donc t'es une folle. Ben, t'es fait, si moi je suis folle, toi, t'es triplement fou. T'as marié une folle, t'es devenu fou. À force de cogiter avec son semblable, on devient celui-ci. Il comprenait pas, là. Il n'y a pas de formage. Quoique. Lui, il a gossé le bois pendant 15-20 ans. Après ça, c'est rentré une échelle. Il s'est rentré l'écharde. Ouais, une grosse écharde, là. Puis, il a dû abandonner sa carrière. Puis, mais il prépare un beau meuble, là. Il appelle ça. Comment t'appelais ça, toi? Comment? Attendez, comment? Comment? Un sarcophage. Ah, il préparait un beau sarcophage. Puis là, c'est tu sais, 3-4 semaines avant, là, il avait pris mes grandeurs. J'ai vu m'acheter une robe de mariée. Il veut me marier. Il dit, oui, je vais te marier jusqu'à la fin. Oh, c'est des messages. Moi, là, écoute, j'ai lu toute ma fille, Virginia Woolf. Woolf. En tout cas, Marguerite Maras, Marguerite Mursunaz, Tella Tepalaz, puis Trépas et Trépas. Le duo d'humoristes Trépas et Trépas. Ah, mon douce, on a ri là-dessus. Ah, puis moi, je peux pas trop rire, hein? Mais non, je vous ai dit, je fais de l'indulgence. Fait que là, j'ai fait attention. Parce que si je ricane un peu trop, je monte au septième ciel. Quelle indulgence. Ah, prenez en pitié mes indulgences. Monsieur, ça c'est le monsieur en haut là, avec la barbe. Monsieur, la barbe, ils m'ont dit qu'il se rase depuis quelque temps. Il veut se mettre à la mode. Là. Il écoute du Evie Babal, Evie Banal, Evie Canal, Evie Canal Plus. Canal Plus, mais c'est moins pour lui. Là. Oh là là là là là. Mais il a déchiré tous ses albums de Ozzy Osbourne. La la la la, la la la la. J'ai plus ma caracette. J'en ai une petite. Je vais l'utiliser même si elle est rouge. Moi, le fédéralisme, là, ah, tu veux, même ça, ça sonne faux. La, la, la, la. Excusez. On dirait que j'ai une toux de fumeur, mais je suis un non-fumeur. Priez pour moi, Seigneur. Ah, mais non, mais quand même, mes liens. Hein? J'aime tes références, mec. J'aime tes références. Merci. Merci. C'est sûr, quand t'es trop intelligent, ça sort par les cheveux. Puis, quoique. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amantes. Il fallait bien que tu t'impatientes. Fallait bien que je te déchire le visage. Pendant ce temps, le poète écrivit « Le sang d'un bourgeois coule à crédit sur carte d'or. La carte d'or que j'ai voulu mettre dans ta poche. La carte d'or. » Nous vous proposons un moment de l'actualité décalée, presque inventée par votre lecteur des voyelles et des consonnes. Des voyelles. Une consonne. Consonne. Consonne. Allô, consonne. Oh, on vient de sonner. Consonne. Bon. Madame Avon, bonjour Madame Avon. Pom, pom, pom, pom, pom. Alors, voyelles et consonnes, lecteur des voyelles et des consonnes, votre dissonant rénal de gagner. Effectivement, nous avons un fil d'actualité. Et c'est un fil qui nous conduit vers l'inconduite collective. Un conduit m'amène à me conduire comme un conducteur en état d'inconduite. Et non, je réfléchis à voix haute. C'est très, très mauvais pour moi. Et, même mon médecin m'a dit arrête parce que tu commences à avoir des glaucomes sur la corde moccale. Je dis ouais, mais moccale. M'a la calé, la moccale. Mais si tu commences à caler la moccale, il risque d'avoir des petites pertes au niveau de la foie. Mais j'ai dit je crois plus. Ça fait longtemps je crois plus à ça. Moi, là, continuus. Plus je continuus, plus ça fonctionne plus. Mais, en fait, ma vie, c'est un peu comme un ruisseau. Pardon? Oh, je suis en train de raconter ma vie à voix basse. OK. Alors, le moment d'actualité, c'est un tueur fou. Oui, enlève l'écho, ça fait pas sérieux. Un tueur fou qui s'en fout de la tuerie. Alors, allons sur la place tâter le terrain. Oh, mon Dieu. Notre journaliste tâte le terrain. Oh, non. Il y a de la graine là. Il n'y a pas de boîte, il y a de la graine. Il y a une balle! Bon, ça tombe bien, c'est une tuerie. Bon, OK. Alors, voyons là, le journaliste. À Cébédène, où l'actualité se monte le nombril. Cébédène. Tu viens, comme le chanteur Claude Cébédène. Tu viens, la culture, ah ouais, vas-y, mets-en de la culture, ah ouais, vas-y. Oh, mon amour. Oh. Mon doux, mon âme, merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Le succès. Tu viens d'apprendre que... Ah, merci. Bon, il s'excite. comme dit la bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ouvre les yeux, tu verras, ça ira mieux. C'est l'inverse. Ouvre ta bouche, ferme les yeux, tu verras, ça ira mieux. Un, deux, trois. Tu viens d'apprendre que la mort prend tout, c'est-à-dire l'ensemble plus l'absolu. Elle conclut que le fatalisme triomphe toujours avec ou sans arc. Tu viens donc d'apprendre qu'il faut vivre avec l'intensité de la mort en bouche comme une terminaison sans retour. En parlant de retour, je reviens sur mon texte puisque vous avez peut-être perdu le petit lien extrêmement jouissif que j'ai eu à rédiger. Elle conclut que le fatalisme triomphe toujours avec ou sans arc. Triomphe toujours avec ou sans arc. OK? On la comprend, là, tranquillement? Triomphe fatal, barque. Barque, c'est partir hein, dans l'eau avec le fataliste. Fataliste, Colin! Non, c'est pas fataliste. C'est triomphe puis arc. L'arc de triomphe. Hein? Crois-tu? Non. C'est l'île, ça, l'arc de triomphe? Oui, c'est ça, l'île. Quel sens? David, quel sens? C'est un grand musicien. Ah non. Excusez-moi, j'ai comme la trompette qui fuit. Quel sens provient de quel? Il y a des grands, des petits menus. Moi, je suis un petit menus. À travers les grands menus. D'accord. Quel sens provient le terme de tous les jours? Un secret de Polichinelle. Un peu. Wow. Là, on se demande, là, d'où vient le sens de cette répartie? Un secret de Polichinelle. Alors, si vous voulez m'écrire à reynaldquebec@hotmail.com, reynaldquebec@hotmail.com, Polichinelle, un secret de Polichinelle, qu'est-ce que ça veut dire? Allez pas boire sur Internet. On sait que c'est un flux d'informations. Assez approximatif. Sortez de les idées de vos têtes. Ça, c'est en haut des épaules, là. Puis, il y a une bouche là-dessus. Il y a deux yeux, il y a un nez. Le nez, normalement, ça coule pendant les allergies comme moi actuellement. Là se cache la question cette nuit. Ah, OK, mon doux seigneur de tabac. Oh, monsieur. Oui. Monsieur, bon, on y va avec l'émission parce que j'éternue trop et on va faire passer la musique avant de faire passer l'éternuement. Ça va, vous, les enfants? Tout le monde est heureux? D'accord, merci, moi aussi. L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 10 octobre 2014, les errances reynaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Axel, au chanteur, compositeur, interprète, Axel Bauer. Axel Bauer est un chanteur, compositeur, guitariste et acteur français né le 7 avril 1900... quelques... dans le 17e arrondissement. Son père, Frank Bauer, a été batteur de Django Reinhardt et surtout l'un des speakers de Radio Londres, la voix de France Libre, à l'origine de la phrase « Les Français parlent aux Français ». Je répète, les Français parlent aux Français. Ça, c'est comme un cercle. Hein? Les Québécois parlent aux Québécois. Vive le Québec libre! Et puis donc, des images existent, mais ont été tournées après la libération. Axel Bauer est un chanteur né le 7 avril à Paris. Il est très tôt attiré par la musique. Il sort des albums extraordinaires. En juillet, il se place avec plein de grosses industries musicales, des gros majors, qui, à un moment donné, a déplu à Axel. Donc, il s'est retiré de ses gros noms. On peut en nommer quelques-uns? On peut en nommer quelques-uns, Gaétan? Oui, EMI. entre autres. Et puis, en juillet 2014, Errance Renadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet acteur et ce chanteur et ce compositeur et ce musicien inoubliable. La preuve. Ça va, je suis flingué.

Axel, on y croit, c'est Terrence Renaldienne, puisque nous sommes là ce soir, ensemble, toi, moi et tous les auditeurs, auditrices. Merci de ta présence, c'est vraiment extraordinaire. Belle émission, on applaudit! Eh, c'est parce que les applaudissements ne sont plus Ils sont partis. Ils sont partis où? On sait plus, on sait pas. C'est comme les oies blanches. Les oies blanches. Oui, mais tu sais qu'un jour... Oui, ah, ça c'est bien ça, commencer par un jour, oui. Moi, je suis très bon par un jour. Un jour, ce sera mon tour. Et pour moi, elles font le... Et comment? Elles font le passage avec leurs mains, leurs pieds, leurs chants. Allez, vas-y, mon ami, ah oui, t'es ici, allez, t'as l'air, je t'ai fait, ah oui. Allez, t'es là, ha, ha, ha, ha, un jour, ce sera mon tour. Et pour moi, j'ai le tempo dans le sang. Cette histoire, je la sens, ne finira pas sans des lancers de tomates. Un jour, lâche pas la patate, Reynald, lâche pas la patate. Il y a une chose qu'on peut se dire ensemble, c'est que tu lâches pas la patate. Non, monsieur. Un jour, ce sera mon tour. Et pour ça, elles feront leur... Ah, c'est dur, ça, là! Combien saucissi, Madame Tremblay? Combien saucissi, saucissi? Ben, là, écoute, je sais pas vraiment, là. 25 cents. Pardon? Combien saucissi, saucissi? Attendez, là, vous, là. Madame Tremblay. 25 cents. Oui, 25 cents. Combien saucissi, saucissi? 25 cents. OK. C'est 6 ou 6 sont 6 sont? 25 cents. Non. Bon, ben écoutez, on va arrêter l'émission. On s'excuse, mon ami Axel Bauer, là. Elle connaît pas la réplique. On peut reprendre. Timothée. Ah oui, on y va. OK. Allez, madame? 25 cents. Oui, 25 cents, OK. Exemple, si je m'en vais manger dans un bon restaurant, de la bavette, de la bonne grosse bavette, avec le bœuf vivant devant moi, là. Ouais, la bavette, ouais! 25 cents. OK. La veuve Clicquot. Le champagne le plus cher, là. 750 millilitres, comment ça coûte, madame? 25 cents. On est devant un corps, un cervelet à peine happé par l'économie planétaire. Elle s'imagine encore que lorsque nous appelons, nous, garçons, des escortes pour 60 minutes, ça nous coûte... Attention! On aimerait bien ça, là. On aimerait bien ça. Moi, je vous coûte. Pas moi personnellement, moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai avec moi. Attention! C'est ça. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. La police qui sécrète. Hey, en parlant de sécréter, c'était pas secrète, la police. Je quitte l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. J'utilise moi-même avec mon scooter la première avenue en direction les galeries Charlebourg. Donc les gens disent c'est où? Ben, c'est pas important. Google Map. Oui. Alors là, on continue ce prépuce, on continue, madame, sur Première Avenue, direction Galerie Charlebourg. Mais là, en dessous du viaduc, je vois une voiture de police. prends pas panique. Alcoolémie zéro. Conscience intellectuelle zéro. Réflexe zéro. J'ai dit, je continue. 32 km/h, tout va bien. Ça va bien. C'est électrique. On va faire le bruit du scooter électrique. Alors, on roule. Ça va bien. Lumière rouge, j'arrête. Lumière verte, je repars. Je regarde dans mon rétroviseur. Ne regarde pas ta vie. Sous le rétroviseur. Pèse sous l'accélérateur. Prends ta ceinture et boucle-la. Mais là, j'ai pas bouclé ma ceinture. Moi, je suis en scooter. Je me rends compte que la police est partie. Elle est partie. Je sais pas où, mais je continue mon trajet sur la première avenue. Là, j'arrive presque aux galeries Charlebourg. Donc, il y a les lumières. Je m'arrête. La lumière vire au vert. La lumière verte. Je continue pour tourner aux galeries Charlebourg. Et là, je vois-tu pas encore une voiture de police sans savoir si c'est la même voiture que je voyais en arrière, là. Que j'avais vue en arrière. Là, je tourne. Je dis, j'ai rien à me reprocher, moi. Là. J'ai tout payé mes contraventions. J'en ai même pas eu une contravention. J'ai tout payé ce que j'avais rien à payer. Je suis un bon citoyen. Ah, je suis membre de CKRL. Est-ce qu'ils peuvent arrêter un membre de CKRL? Là, je vais appeler mon avocate. Là, je l'ai réveillée. Là. Il était quoi, 2h l'après-midi? Elle s'est faite un nouveau copain. Fait que là, elle dort à des heures imprévues. Puis bon, elle veut l'essayer avant de l'acheter. Là. C'est comme toutes les... Hein? Bon. Fait que là, je l'appelle. Puis... Je suis mordu, t'es essoufflé. Oui, pardon. Oui, c'est Renal Gagné. Oh, Renal, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu faisais? Plein de choses. Plein de choses. T'es essoufflé, tu courais? Ça va? Je me suis dit, ça va, là. Fait que là, il y a la police. Attends, arrête. Mais oui, j'arrête. Non, pas toi, lui, arrête. Qui ça, lui, mais? Et lui, là, qui est en arrière. C'est la police? Non, non, c'est pas la police. Arrête. Moi, ça, non, la police, non, arrête. Ben voyons donc, toi, qu'est-ce qui se passe? L'errance rénadienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « guarana ». Oh, Guarana, chante avec moi encore une fois. Oh, tout le monde ensemble. Quand nous avions... 25 cents. Oui, 25 cents, la Guarana. Quand nous... La petite con, le petit comprimé. Le petit con. C'est pas votre ancien amoureux, vous, là. Un autre petit con. Les petits fanfarons sont remplis. Mais pas de Guarana.

Des fois, je donnerais tout pour revivre ces périodes. OK, parce que là, t'es prêt, t'es armé pour affronter ça. À l'époque, tu ne l'étais peut-être pas. Non, parce que c'est un peu comme les photos, tu sais, les photos, il y a souvent, les gens, ils se prennent en photo et puis ils regardent la photo et ils disent « Ah, mais, ah non, tu ne peux pas prendre cette photo, qu'est-ce que je suis moche ?» Et puis après, 10 ans après, ils se regardent et ils disent « Mais en fait, j'étais bien. » Ah ouais, c'est ça. Et c'est exactement pareil, en fait. Ce que... À mesure que la vie avance, tu te rends compte que on a un temps limité pour faire les choses. Et, alors il y a urgence là. Toute la enfance. deux. Ils s'échappent, s'envolent devant les fenêtres. Ils disent bonjour à tous les locataires. On les invite à venir prendre un verre. Ils disent d'accord, mais il ne reste qu'un instant. veux faire ça avec moi. Je t'écoute. C'est pas bon. Regarde-les faire, regarde-les tous. Regarde ces fous qui nous emportent, qui nous enferment et qui claquent la porte. Regarde-moi, je ne t'entends plus. Regarde-toi, tu ne me vois même plus. Le mal est fait. Retiens-moi.

fait de mon corps une forme dans la brume, un souffle qui se tord au fer de l'enclume. Je fais de mon corps une forme qui se perd. Je fais de mon corps cette forme qui s'enterre. Cet ordinaire iris dans le hier, rien ne m'arrive, arrive you

On se revoit, ok, bye. Merci mon ami. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.